Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Manu pour La Note en chantant. La Note en chantant, votre rendez-vous avec la chanson française. Alors passez une fois par mois votre soirée avec les plus grandes voix de la chanson française. Un rendez-vous mensuel sur votre radio préférée. Émission du mois de décembre, et oui déjà le mois de décembre, dernier mois de l'année, et de ce fait dernière émission de l'année. Et oui, 2025 va s'écouler tout doucement avec ces quelques jours, ces quelques heures qui restent à passer avant de passer à la nouvelle année. Alors, comme vous le savez, c'est une habitude pour l'émission La Note en chantant. Celle du mois de décembre est consacrée bien sûr à la magie de Noël, aux fêtes de fin d'année, c'est Noël en fait sur votre radio. Alors, pour commencer ce programme musical, bien sûr, vous allez certainement entendre tintinabuler les jolies petites clochettes. Avec plusieurs artistes, bien sûr, avec un fil conducteur aussi. Un fil conducteur pour un chanteur, ça va être Garou. Et oui, Garou qui s'est fait connaître, hein, vous le saviez, hein, rappelez-vous, Notre-Dame de Paris, avec sa voix bien particulière. Je vous propose d'ailleurs de commencer avec lui, avec ce titre qui s'intitule « Le bonhomme de neige ». La note en chantant sur votre radio. C'est l'hiver et le hameau tremblant est couvert d'un édredon tout blanc. Mais dehors, les enfants courent triomphants. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant d'un roi maigre qui soudain serait blanc de froid. Oh, c'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour qu'un ciel toujours bleu nous sourie. Car l'amour, bien souvent, n'est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du printemps. Un gamin l'a coiffé d'un chapeau, dans ses mains on pique un vieux plumeau. Et l'on rit de son nez tout enfariné. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant d'un roi maigre qui soudain serait blanc de froid. Ah, c'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour qu'un ciel toujours bleu nous sourie. Car l'amour, bien souvent, n'est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du printemps. Tant que la neige tombera ce soir, et que le ciel leur a son voile noir, ils garderont en eux l'espoir. Leurs sourires deviendront vivants. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air imposant d'un roi maigre qui soudain serait blanc de froid. Ah, c'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour qu'un ciel toujours bleu nous sourie. Car l'amour, bien souvent, n'est aussi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du printemps. Le bonhomme de neige, It's Magic, c'est le nom de son album, avec quelques petites erreurs de pressage au passage, donc à faire attention si vous l'avez, ça date de 2015 hein, déjà, pour cet album de Garou. Continuons avec une voix féminine qui, j'espère, a gardé son joli costume de Mère Noël, c'est le cas sur sa pochette de son album Elsa Esnou, chante Noël. Et oui, elle est maman, donc c'est son premier Noël avec, avec son enfant. Alors, vive le vent! Blanc de neige. le vent. Et oui, une chanson pleine d'entrain avec Elsa Esnouch. Marie-Chantal Toupin prend la suite avec Noël, c'est l'amour. Manu sur votre radio. C'est l'amour, hein, Noël, c'est les fêtes, les rendez-vous entre amis, en famille, surtout pour les plus grands et les plus petits. C'est la magie de Noël sur votre radio. C'est Manu pour la note en chantant. En continuant notre programme avec celui qui, on va le reconnaître avec sa voix qui rappelle bien sûr un autre grand artiste hélas disparu, c'est Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste Guégan justement reprend cette chanson qui avait été chantée à l'époque par Johnny. Johnny Hallyday bien sûr, Noël interdit. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire. Et mon cœur d'enfant était déjà trop grand, et mes rêves emportés

Luis Mariano, là, c'est le plus ancien. C'est sorti en 1965, sauf erreur de ma part. J'avoue que je n'ai pas retrouvé la date exacte. Douce nuit par Luis Mariano. La note en chantant sur votre radio. Artiste indépendant, mais aussi artiste avec une belle voix. C'est aussi un grand ami à Fabienne Thibault, c'est Stéphane Auxerre avec son album sur les chansons de Noël. Stéphane Auxerre va nous interpréter Noël Blanc. Oh, quand j'entends chanter j'aime me revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à un autre Noël blanc. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis, et j'attends l'heure où ils vont venir, en écoutant tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter le sapin scintillant, la neige d'argent. Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. L'une des plus belles chansons de Noël. Est-ce que je vais vous passer Tino Rossi avec mon beau sapin ou petit papa Noël? Ah, ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'émission. Mon beau sapin, en tout cas, on va l'écouter tout de suite. C'est avec Monsieur Garou. Vous écoutez La Note en chantant, l'émission dédiée à la chanson française, toute génération. Sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés attraits, mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël dans ta chinoe, au saint anniversaire, toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Mon beau sapin, comme il est doux de te voir briller parmi nous. Toi que Noël planta chez nous, scintillant de lumière. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Mon beau sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage. Mon beau sapin, divers sommets et leur fidèle ombrage. De la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix, mon beau sapin, divers sommets m'offre la douce image. Les classiques de la chanson sur Noël, la chanson française bien sûr dans la note en chantant, Mon beau sapin interprété cette fois-ci par Garou. Sacha Distel pour prendre la suite, je reviendrai chez nous à Noël. Je reviendrai chez nous à la Noël. Je reviendrai chez nous comme autrefois, comme quand j'étais petit et que c'était Noël. Je reviendrai chez nous tout près de toi. J'ai fait le tour du monde depuis qu'on s'est quitté. J'avais construit un monde, mais il s'est écroulé. Je reviendrai chez nous à la Noël, comme un enfant perdu, désemparé, comme un oiseau blessé, revient du bout du ciel pour retrouver son nid et s'y cacher. Toi qui toute ta vie pour moi, toi qui connais la vie, tu me conseilleras. Je reviendrai chez nous à la Noël. Je reviendrai chez nous comme autrefois. Il fait si bon chez nous à la Noël. Et puis j'ai tant besoin, besoin de toi. Et puis j'ai tant besoin, besoin de toi. Sacha Distel qui vient donc de nous interpréter une chanson de Noël pas très connue, mais ça fait toujours plaisir de les entendre. Il était une fois, Once Upon a Time peut-être, mais là on reste en français quand même. C'est le nom du groupe avec la charmante voix de Joël, hélas disparue bien trop tôt, et aussi celle de Richard DeWitt que j'avais eu le plaisir il y a quelques années d'avoir en interview. Pour cette chanson sur Noël, par le groupe Y était une fois, je vous propose Douce Nuit, Sainte Nuit. Thank you. Douce nuit, sainte nuit, très très belle chanson aussi. Autre belle chanson, joyeux Noël. Eh oui, joyeux Noël, je vous le souhaite. De très belles fêtes de fin d'année aussi, bien sûr, à vous tous. C'est Garou pour nous interpréter cette chanson. La note en chantant sur votre radio. Le feu danse dans la cheminée. Dehors on tremble de froid. Nuit de Noël et sapin parfumé. Partout tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de joie et de cadeaux. Et les petits le guettent, ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux. Joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux. Les Rois Mages après Joyeux Noël de Garou, les Rois Mages pour cette interprétation par cette chorale de jeunes enfants, les petits chanteurs à la croix de bois. Thank you. pour prendre la suite des petits chanteurs de à la Croix de Bois, je vous propose d'écouter Charles Trenet. Et oui, celui qui on surnommait le fou chantant. Je vous propose de l'écouter, de retrouver sa belle voix pour la plus belle nuit. Plus belle nuit depuis la nuit des temps, c'est la nuit de Noël, la nuit d'un pauvre enfant, de Jésus, fils de Dieu, descendu sur la terre pour que les cœurs anxieux ne soient plus solitaires. Pour que la paix du monde arrive et qu'ici-bas l'espoir, la charité viennent guider nos pas aux joies de Bethléem. Merci pour ta lumière qui change en un seul jour la face de la terre. Tranquille, Jésus, tu vas grandir, humble, doux et docile. La maison de ton Père et le temple de Dieu, c'est là que tu promets le royaume des cieux à ceux qui te suivront. Et qu'enfin tu pardonnes en mourant sur la croix tous les péchés des hommes. Belle voix, des chansons anciennes, mais toujours d'actualité. Minuit chrétien par Jacques Lantier. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Effacer la tâche originelle et de son père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, chanteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de vous, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Pour terminer ce programme musical, je vous propose ce titre incontournable de Noël, surtout pour les plus jeunes. Certainement que vous êtes au pied du sapin, au passage. Petit Papa Noël, et c'est interprété par qui? Ah, je vous fais languir. Je vous avais parlé peut-être de Tino Rossi. Il nous a pas interprété Mon Beau Sapin, et il nous interprétera pas Mon petit Papa Noël. Et non, je ne l'ai pas programmé dans la playlist de cette émission de ce mois de décembre. Émission 95, au passage. C'est Florent Pagny pour nous interpréter cette très très belle chanson. Petit Papa Noël. La note en chantant sur votre radio. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu Je suis sûr que vous avez tous repris ensemble ce titre de Noël, Petit Papa Noël. Et c'était avec la belle voix de Florent Pagny qu'on a conclu l'émission. Et Noël, c'est aussi des surprises. Et oui, et je tiens quand même à vous en faire une. C'est normal en cette période de fête. Et oui, on ne pouvait pas conclure l'émission sans Tino Rossi. Et oui, je suis fan. Bon, comme ça, au passage. Alors donc, c'est pas Petit Papa Noël ni Mon Beau Sapin, mais tout simplement cette chanson, Petite Étoile de Noël. Qui sont chargés de cadeaux, quittant leur palais, les rois mages vont dans un tout petit village, perdu dans la nuit bleue, qui leur a dit, qui les conduit en cette nuit. Étoile de Noël, tu lui donnes éclat surnaturel, éclairant la petite étoile où l'enfant Dieu est né pour nous. Petite étoile de Noël, montre-nous dans le bleu du ciel, le bleu toi, la petite étoile, où l'enfant roi est venu jusqu'à nous. Marie au regard si doux, et les bergers à genoux, le regard de sourire aux le gros bœuf taché de roux, l'agneau blanc, l'âne de veau nous attendent au rendez-vous. Chantons dans la nuit de Noël, Jésus, son grand amour éternel, et suivons la petite étoile, petite étoile de Et la surprise du chef, comme on peut le dire, l'émission s'est bien conclue avec Tino Rossi, avec ce titre « Petite étoile de Noël ». Voici pour la transition, pour enchaîner avec notre générique. Ainsi se conclut l'émission, ce générique qui annonce la fin, et oui, déjà la fin, dernière émission de l'année 2025. Bien sûr, on va se retrouver l'année prochaine, sans aucun doute, pour ce mois de janvier, et vous souhaitez bien sûr mes meilleurs voeux. Mais pour l'heure, je tiens à vous rappeler notre playlist avec Garou. C'était lui le fil conducteur de l'émission. On l'a retrouvé 4 fois dans l'émission. Voilà, j'avais même pas fait mon compte. J'espère que je me suis pas trompé. Je vérifie. 1, 2, 3, Et 4, voilà, c'est bien ça. Donc, ce premier titre, Le Bonhomme de Neige. Elsa et Snouf par la suite avec Vive le Vent. Marie-Chantal Toupin avec Noël, c'est l'amour. Jean-Baptiste Guégan, Noël interdit. Garou et Rihanna pour Petit Garçon. Luis Mariano avec Douce Nuit. Stéphane Ossière pour Noël Blanc. Garou, Mon Beau Sapin. Sacha Distel, Je reviendrai chez nous à Noël. Il était une fois Douce Nuit, Sainte Nuit. Garou, Joyeux Noël, et c'était son dernier titre diffusé dans l'émission. Les petits chanteurs de à la Croix de Bois pour Les Rois Mages, Charles Trenet, La Plus Belle Nuit, Jacques Lantier, Minuit Chrétien, Florent Pagny, Petit Papa Noël. Et la surprise, l'émission s'est bien conclue avec Tino Rossi, avec ce titre Petite Étoile de Noël. Voici pour cette émission du mois de décembre, émission dédiée bien sûr à la magie de Noël. J'espère que ce programme musical vous a plu. Vous allez pouvoir le retrouver bien sûr prochainement en podcast, mais aussi en rediffusion sur vos radios préférées. Je vous souhaite une belle fin d'année, de très joyeuses fêtes, que ce soit à Noël ou pour la Saint-Sylvestre. Le jour de l'an, on se retrouve l'année prochaine pour les vœux. Alors, soyez festifs. Et profitez de l'instant présent. Ciao, bye bye, c'était Manu pour la note en chantant.